Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous et bienvenue chez, vraiment, chez Papa Cassette, épisode 118. J'espère que tout le monde va bien. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, mesdames et messieurs. En effet, je vais vous raconter un petit peu pourquoi, là, pendant le show. Et puis, là, je suis. Il est dimanche. On est dimanche, le 7 mai 2023. En plein milieu de l'après-midi, mon plus vieux garçon est chez sa conjointe, chez sa blonde. Mon plus jeune est dehors quelque part, et puis ma blonde est partie prendre une marche. Alors, je suis maintenant seul à la maison, et j'en profite, il y a un lavage qui vient de finir. Là, ça devrait être bon pour être tranquille, puis qu'il n'y ait personne. Ça se peut que mon gars arrive, ça se peut que ma blonde arrive, mais je vais faire mon possible, parce que c'est comme... C'est ça, j'essaye d'enregistrer, puis ça me prend des trous. Et puis, avant de commencer, je vais remercier mon commanditaire, les cafés Level Up, mesdames et messieurs. Je suis à l'eau présentement. J'ai très soif. J'ai bu mon café ce matin, Level Up. Et puis là, présentement, je bois un peu d'eau parce que j'étais un peu déshydraté parce que j'ai fait bien des travaux dehors. C'est une belle fin de semaine pour ça. Fait que, ouais. Donc, vous voyez, je me suis... La compagnie RetroMTL m'a pourvu d'un nouvel ordinateur. Fait que j'ai pu ramener mon ancien ordinateur à la maison. Là, j'ai pas de caméra. Par contre, je devrais la réinstaller. Hein. Je faisais un test avec la caméra de l'ordi. Puis c'est pas bien beau du tout. Même je check l'éclairage aussi. Ça flare. Je suis pas hot. Mais là, ça vaut mieux ça qu'il n'y a pas de podcast pantoute, n'est-ce pas? Tiens. Je vais fermer ça. Ouais, c'est déjà mieux. Fait que, je fais mon possible, pour être franc, d'enregistrer dernièrement. Il y a eu beaucoup d'activités, disons, dans ma vie personnelle, puis je vais raconter tantôt. Ce qui fait que, enregistrer au studio, comme j'avais commencé à faire, je veux le faire, bien sûr, mais ça nécessite que je prenne mon char, que j'aille le char, et puis que j'aille un moment tranquille pour y aller seul, faire tout ça, puis revenir. Puis, je vois pas d'autre moment que les soirs de semaine. Et puis, les soirs de semaine, j'ai été complètement vidé. Vidé ben raide dernièrement. Fait que c'est pas évident. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail chez Retro Montréal. Et puis, beaucoup de choses chez Arcade Montréal. Puis, je pense que je vais en parler un petit peu. D'Arcade Montréal, présentement, il va peut-être avoir des changements au niveau des actionnaires. Donc, c'est une discussion qu'on a présentement. Discussion très sérieuse. Discussion pas évidente aussi. Où est-ce qu'il y en a qui ont plus la même vision que d'autres? Et puis, c'est d'essayer de voir s'il y en a qui veulent vendre leur part, voir si on trouve des nouveaux partenaires pour ça. C'est pas évident à réfléchir présentement. Vous avez vu qu'on est à la recherche d'un nouveau gérant. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé aussi au niveau des actionnaires. La rotation de gérant, toujours, il y a un clash dans la façon de voir les choses, si je peux dire, avec la gérance. Et puis, notre présent gérant s'en aille présentement, c'est quand même un problème important. Qui va nécessiter que chacun de nous reprenne quand même pas mal de tâches. Donc, ça sera pas évident pour moi non plus. Je vais vraiment être encore plus coincé prochainement. Mais c'est comme une routine qui recommence. Et puis, c'est ça. On est un peu tanné de ça. Fait que là, notre bail à ce présent local se termine à l'été 2024. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Disons que... À partir de maintenant jusqu'à Noël, ça va être... À Noël, il faut annoncer au propriétaire c'est quoi notre prochain move. Si on continue ou si on ferme ça, carrément, parce qu'on n'est plus intéressé, personne, à aller de l'avant, plus loin que ça, si on ne réussit pas à trouver autre chose. Donc, c'est ça. Ça a été très dur. J'ai de la misère à dormir, à penser à ça. J'ai de la misère à... Tu sais, je fais ma journée le jour... Puis le soir, c'est ça, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise. Question d'argent aussi, comment valent ces parts-là, comment est-ce qu'on les distribue, qui serait peut-être intéressé à embarquer dans le projet, qu'on voudrait qu'ils partent du projet. Donc, c'est des très, très grosses discussions. On est rendu là. Ça me épuise totalement. Et puis, il va falloir s'organiser. Notre présent gérant s'en va au début de juin. Fait qu'avant qu'ils s'en aillent, on a quand même besoin qu'ils nous aident avec certaines choses. Donc, j'espère qu'on va pouvoir enclencher les processus bientôt puis ajuster ça. Parce que sinon, le projet va super bien sûr. Il y a plein de monde. Et puis, c'est le party. Des gros vendredis, des gros samedis. On a un show de cire pathétique qui s'en vient. Vous avez vu ça? C'est... Hey, les réactions là-dessus, là. Ouh! Moi, je connais pas Cire Pathétique. Je veux dire, je connais le nom. Puis, je pense déjà avoir entendu des tracks ou des affaires de ce qu'il fait. Mais si vous suivez la page, si vous suivez l'arcade, vous voyez qu'il y a des soirées Arcade City de temps en temps. Ça, c'est des soirées DJ. C'est un de nos employés de longue date qui a aussi un projet sur le site. Il fait des soirées DJ, un peu partout, sur des bateaux même, puis tout. Un gros projet. Il book des DJ, puis il fait des soirées comme ça. Puis ça marche vraiment bien à l'arcade, ces soirées DJ-là. Il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est un autre crowd, tu sais. Puis il connaissait Cire Pathétique, puis il l'a déjà booké pour autre chose avant. Puis là, il voulait voir si on voulait peut-être le booker pour une soirée à l'arcade. Et puis, je dis, pourquoi pas? Puis mes employés chez Retro Montréal, qui sont beaucoup plus jeunes, tu sais, ils sont comme, « c'est malade, tu sais! » Mais, tu sais, c'est comme un peu pour niaiser, cette soirée-là. On dirait qu'il y a personne qui prend vraiment ça au sérieux, la musique de Cire Pathétique. Fait que, voilà, ça va être une soirée un peu rigolote, si je peux dire. Puis il y a beaucoup de commentaires là, sur la publication de l'événement. Du monde sont comme « Hey, il saoule la gueule, il est pas du monde, il scrappe, puis c'est pas drôle, et puis c'est pas cool, et puis tout ça. » Là, ça m'a quand même un peu... ça a commencé à m'inquiéter, tout ça. Et puis j'en ai parlé à notre employé qui book ça. « Man, le monde a l'air de dire qu'il est rough, monsieur Pathétique. » Mais il dit non, il l'a déjà booké, ça a super bien été et tout. Puis tu sais, c'est des oui-dire de Facebook là. Et puis bon, si jamais il n'est pas du monde et puis que ça devient compliqué, on va être là. On va dire « calme-toi » et puis on va adresser la situation. Fait que c'est ça. Je me rappelle plus c'est quand... C'est au mois de juin, genre le 13, quelque chose de même. C'est un jeudi, jeudi en juin, allez voir la page, les événements. Hey, je vais vous le dire, je vais regarder. Moi-même, faut pas que j'oublie de mettre ça au calendrier. Cire Pathétique, Arcade Montréal. Et c'est jeudi le 15 juin, le jour de l'anniversaire de mon plus vieux. Donc, je sais pas si je vais l'amener. Il va avoir 15 ans, il n'aura pas le droit. Mais... fait que c'est ça. Donc, pas évident la situation présente à l'arcade. Mais, tu sais, comme... c'est ça, c'est du respect quand même entre nous et tout. Mais c'est la vision, la façon de gérer, puis de voir les choses qui diffèrent de plus en plus. Puis, on pense pas qu'on peut s'entendre à long terme... tout va toujours être à recommencer, puis on va se chicaner, puis il n'y a plus personne qui a envie de ça, vraiment. T'sais. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Que l'arcade ferme dans un an, juste fermer, en tant que propriétaire, c'est le pire scénario, parce que c'est là qu'on va récolter le moins. T'sais. Le mieux, c'est de vendre l'entreprise, et puis moi, ce que j'essaie présentement, c'est de racheter l'entreprise avec des nouveaux partenaires, tant qu'il y en a un qui resterait. Fait que c'est ce que je veux faire, donc c'est mon projet, et puis si on va de l'avant avec ça, si les personnes que j'ai trouvées sont intéressées aussi, c'est pas nécessairement ça qui va se passer, ça va pas nécessairement marcher, puis partenaire est pas nécessairement d'accord de vendre ses parts non plus, puis de la misère à digérer le fait qu'on veut que ça ferme nous autres ou qu'on passe à un autre, on passe le flambeau à d'autres, dont moi, fait que voilà. On va voir. C'est très délicat. Très, très délicat. C'est pas la première fois qu'il y a des rachats de partenaires ou des tentatives de. Je pense qu'à chacun de mes projets, Il y en a, même quand, au début, quand je vendais des jeux, je me suis comme associé avec deux gars, puis finalement, il y en a un qu'on a laissé tomber, puis Retro Montréal aussi, puis au début de l'arcade aussi, puis c'est tout le temps, c'est pas évident. Hein. Du rachat de d'actionnaires, rachat de partners, c'est jamais une situation agréable, et puis c'est ça, c'est un casse-tête, et puis malgré tout, il faut qu'on essaye de vivre ensemble, t'sais. C'est comme se laisser. Mais continuer de vivre dans la même maison, tu sais, c'est ça la vibe. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, la place va super bien, ça roule. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est la reprendre et la contrôler totalement. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, à suivre. Vous verrez rien de tout ça. Ça, c'est les dessous. Là, je vais juste vous en parler. C'est juste pour vous expliquer un peu mon état d'esprit, vraiment. Je pensais enregistrer mardi de la semaine passée au studio. Et puis, je veux dire, c'est mardi dans le jour là, que ça a vraiment éclaté, là, si je peux dire. Fait que c'était beaucoup d'adrénaline, beaucoup de discussions, et puis j'étais juste brûlé de tout ça. Fait que puis là, j'ai un vraiment mauvais sommeil à cause de tout ça. Donc, j'ai eu de la misère à trouver un moment pour enregistrer. Mais là, ça va un peu mieux, et puis on va voir. Ça va être ongoing. Fait que j'enregistre chez nous là, pendant que j'ai un trou. Et puis voilà. Sinon, c'est pathétique. J'ai parlé de ça. Ouais, Retro Montréal, ça roule. Beaucoup d'achats, de beaux rachats présentement, c'est bien. Là, on est je disais qu'on était le 7 mai. On se donne jusqu'au 1er juin ou au début de juin pour faire une très grosse annonce. Et puis ça, c'est très excitant. C'est des choses sur lesquelles je planche sérieusement depuis longtemps déjà. Et puis, plusieurs niveaux à travailler là-dessus. Ça se peut que je spoil en avance ici dans mon podcast, vous expliquer tout ça. Mais il n'y aura pas d'annonce faite par Retro Montréal avant début juin, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais pas aujourd'hui. Je vais parler un peu de tout. Mais ça s'en vient, et puis je suis bien excité, puis ça va, c'est enligné comme je le veux, là. Fait que c'est très cool. Sinon, sortie de Zelda, hein? Tears of the Kingdom, vendredi prochain, beaucoup de précommandes qu'on a reçues, notre record de précommandes, bien sûr, ça semble être le record de précommandes de tout le monde, j'ai vu la planque annoncer qu'il y avait un record de précommandes, le Coin Game Over a dit qu'il y avait un record de précommandes, nous autres aussi, au-dessus des 200, et puis, fait que ça roule. On va essayer d'en avoir une cinquantaine en vente libre, sinon peut-être un peu plus la journée même. On a commandé des consoles, elles sont déjà vendues. On pouvait les vendre si on les a eues d'avance. On a commandé les Amiibo, on a commandé des collecteurs, on a commandé d'autres articles, là, des pochettes de consoles, pis ci, pis ça. Tout ce qui existe, on l'a commandé. Ça fait une énorme commande, et puis on a bien hâte de voir comment ça va rouler. Mais c'est fou pareil, tu sais, ça peut ressembler à une commande de genre 25 000$, ça là, où on ne sait pas exactement parce qu'on ne sait pas encore précisément le nombre d'unités, de mettons, de collecteurs et d'affaires qu'on va avoir. Mais tu sais, au final, avec ça, on fait juste 3 000$. C'est tellement pas payant, le neuf, là, tu sais, c'est... Oui, c'est excitant, tu sais, puis oui, on va en vendre, puis on va faire de l'argent, tu sais, au final et tout, mais c'est tellement de gestion, et puis de stress aussi par rapport aux quantités, de gestion de précommandes. Après ça, quand on va recevoir nos précommandes, il va falloir tout shipper, ceux qui ont du shipping, tu sais, ça fait des mois là, d'avance qu'on garde ça dans le database, tout gérer les documents, appeler tout le monde, dire « vous pouvez venir », et puis tout ça coûte quelque chose. Chaque fois que quelqu'un fait de quoi, ça coûte quelque chose, en temps, tu sais, les employés. Fait que le profit est assez mince à la fin là, pour une si grosse commande que ça. Là. C'est fou. Fait que ça, on est bien heureux de le faire et puis tout ça. Mais moi, encore une fois, je vous le dis, je vois pas comment est-ce que GameStop peut survivre en vendant que des jeux neufs. Là, t'sais. Fait que c'est pas une game payante. Mais ça va être excitant tout le moins. Et puis, c'est ça, on peut pas offrir de précommande de collecteurs puis de trucs comme ça parce que, comme je disais, on sait pas combien on va en avoir. Et puis nous, chez les fournisseurs, ça marche comme ça, on dit on en veut 30 collecteurs, mettons. Ben là, eux autres, ils vont en reçoit. Le fournisseur en reçoit une grande batch, puis en envoie à tout le monde qui en demande. Fait qu'il t'envoie proportionnellement, il essaye de matcher notre demande. T'sais. Fait que même si on en commande 30, ça se peut qu'on en ait 12, t'sais. Donc fait qu'on le sait pas. On ne fera aucune promesse. Mais je pense qu'on risque d'en avoir une bonne quantité. Puis la dernière fois, là, on a mal fait ça là, avec Metroid Dread, le collecteur. On avait, je m'en rappelle plus, mettons qu'on en avait une dizaine. Là, nos employés en ont acheté beaucoup. Fait qu'il en restait 2-3. Puis il y avait du monde qui attendait au magasin le matin, faisait la ligne, tu sais. Puis on les a mis en ligne en même temps qu'en magasin. Puis là, ils se sont vendus en ligne tout de suite. Puis le monde, les quelques personnes qui faisaient le line-up dehors, même si on leur avait dit que c'était vraiment pas garanti qu'il allait en avoir, ils en ont pas eu parce que c'est parti trop vite en ligne, tu sais. Fait que là, ils étaient déçus, puis je les comprends. En même temps, faut récompenser le monde en ligne. Ou, tu sais, on veut récompenser le monde qui vient de faire le line-up dehors, mais le monde qui font le line-up virtuellement, puis qui y achète chez nous, faut les récompenser aussi. Nous, le commerce en ligne, c'est le futur, là, tu sais, c'est... On a beaucoup plus de ventes en ligne qu'en magasin. Quoique là, ça redevient quasiment égal-égal. Mais le en ligne pour nous, pour Retro Montréal, c'est le cœur de la business. C'est très important. Donc, il faut récompenser ces gens-là. Mais là, on devrait en avoir assez. Fait qu'on va en mettre une portion en ligne, une portion en magasin. Et puis, on va voir comment ça bouge au cours de la journée. Et puis, si on voit que ça bouge pas en ligne, que ça vend pas en ligne, puis qu'il y a full de monde en magasin, ben, tu sais, on va réajuster notre inventaire proportionnellement. Fait qu'on va être vraiment ça à go là, toute la journée. Puis là, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont... Le jeu a été piraté, il a été comme disponible en ligne. Il y a du monde qui jouait. Il y a même du monde qui ont flashé des copies physiques. Hey, je sais pas à quoi ils pensent, les gens qui font ça. Mais man, si Nintendo s'en prend à vous, là, tu sais, comme... Les enfants de vos enfants vont se faire poursuivre, là, tu sais, comme... Ne faites pas ça, sacrement! Faut-tu être malade, pareil, de faire ça? Hey, s'exposer de même. Mais c'est ça, puis quand Nintendo... Quand il y a des... Puis il y a des Walmart qui ont vendu trop tôt la console Zelda ou quelque chose de même. Il y a un Walmart qui a fait de quoi de pas correct, puis qui a été flagué. Puis habituellement, ce que Nintendo fait dans ce temps-là, c'est qu'ils punissent tout le monde. Fait que personne va avoir les... Fuck, vous écoutez pas, il y a personne qui va avoir les affaires d'avance dans ce cas-là. Genre, personne. Fait que là, on est super stressé parce que le monde, ils sont pas cool, puis ils respectent rien. Puis là, on a peur que nos jeux, on se les fasse juste, qu'on les reçoive juste le vendredi matin, tu sais, comme trop tard, puis là, faut les shipper, puis tout ça. Si on peut les avoir une journée d'avance, au moins, on va préparer toutes nos précommandes, tu sais. C'est long, là, faire ça, là, surtout à 200, tu sais. Ça va être toute la journée là-dessus, fait que j'espère que les gens qui ont fucké le chien, puis le Walmart, tout ça, vont pas avoir trop... Faites chier Nintendo au point de repousser tout ça puis de coincer tout le monde. Là. C'est, on se le souhaite là, qu'il n'y ait pas de marde à cause de ça. Fait que vous voyez un autre tracas avec des jeux neufs qui sont pas payants. Et de même, ça marche. Ah. Mais ouais, on verra bien. Et puis, hey, j'ai oublié de faire mon affaire du Canadien. C'est rendu que je le note. Hein. Donc, on est à l'épisode 118. Jacques Plante, Serge Savard, mesdames et messieurs. Alors voilà, fallait que je le fasse. Maintenant, je fais mes devoirs pour nommer le Canadien. D'ailleurs, c'est demain la loterie Connor Bedard. Hein. On a des chances. On est le cinquième club avec le plus de chances à 8.4%, je crois. Anaheim, c'est eux qui ont le plus de chances, mais ils en ont pas, tu sais, comme 50% des chances non plus. Fait que c'est intéressant. Verrais-tu ça, qu'on serait chanceux. Mais je pense que le Canadien, ça va bien aller là, l'année prochaine. Je suis confiant. Puis bon, notre choix de Panthers, il commence à être de plus en plus loin vu qu'eux autres, ils gongent ces maudites Panthers-là. Mais j'étais quand même content qu'ils sortent Boston. Hein? On est tous contents de ça. Fuck Boston. Et puis, parce que moi, je prends pour l'équipe québécoise, canadienne, de où je viens, tu sais, Montréal. Et puis, je viens de la Beauce, mais je prendrais quand même Montréal parce que c'est la seule équipe au Québec. Mais ça, prenez pour Boston, prenez pour l'Avalanche parce que c'est les anciens nordiques. Mais prenez surtout pas pour Montréal parce que Montréal, tabarnak, on haït ça. Mais ça me fâche. Fait qu'on verra bien, mais c'est des bonnes séries, c'est bien excitant. Puis Toronto aussi, t'es en train de perdre, fait que ça, c'est toujours cool. Ben, quoi que, là, ils ont réussi à passer la première ronde. C'est comme un très long gag qui prend fin. Écoute, tout est possible là. Il va avoir une game à soir aussi. Je pense qu'il joue à soir. On verra bien. Alors voilà. Sinon, je voulais parler. Vous avez vu, puis ça m'a comme un peu troublé, choqué, que l'UDA s'en prennent à Mike Ward, parce que Mike Ward, avec son podcast Sous-Écoute, qui est un podcast gigantesque, qui remplit, qui fait des shows sans belle, puis qui roule avec ça, puis qui fait de l'argent. Hein? Il fait de l'argent. Puis là, l'UDA s'est dit « Wow, wow, wow, que c'est ça, ce gros podcast-là. On veut que les employés ils reçoivent une cote de ça pour que l'UDA ait son argent, tu sais, au final. » Et puis ça, je trouve... C'est comme si maintenant l'UDA allume. Ah, c'est vrai, le podcast. Hein? Ah, OK, on va pogner le gros, puis on va se mettre une patte là-dedans. On dirait que c'est comme un médium, tu sais, qui contrôle pas ou qui savent pas trop. Puis là, ben, vu que quelqu'un a du succès, ben là, ils vont essayer d'aller s'en chercher, là, tu sais. Puis comme Mike Ward l'expliquait lui-même, tu sais, il paye déjà son monde, tu sais. Puis peut-être même qu'il paye plus que ce que l'UDA demanderait, tu sais. Puis il aurait les moyens de donner le cachet à UDA, là, tu sais. Mais même, les gens, ils veulent pas nécessairement être payés pour aller sur les podcasts, t'sais. Que ça soit Sous-Écoute ou que ça soit Sexe Oral ou les gros podcasts qui roulent comme ça, qui sont hyper populaires. Les gens, ils vont là pour la visibilité, t'sais. C'est surtout ça, la paye. Ils acceptent de pas être payés et de donner leur temps pour être invités sur ces shows-là, pour se faire connaître, parce que ces gens-là, ben, ils se font écouter très large, tu sais, je veux dire, c'est le même, ça marche. Les Denis Drolet, tu sais, ils ont des invités. Là, il faudrait que tout le monde donne sa cote UDA à ces invités-là, tu sais. C'est... En tout cas. Moi, vous savez, les syndicats, j'ai bien de la misère avec ça. Et puis, oui, c'est important, le filet social des artistes. Et puis, je ne pense pas, par contre, que le filet doit être tissé en or. Et puis, tu sais, il faut comme faire la part des choses un peu. Puis ce que je trouve plate, tu sais, un podcast produit par Radio-Canada, maybe, tu sais, mais le gars, il a tout bâti lui-même à pelle puis à pioche, tu sais, il a créé ça, il est self-made, je veux dire, son humour, ses affaires puis tout, il a fait un podcast, pas fait d'argent avec ça pendant très longtemps, puis il grind, tu sais, comme il travaille fort puis tout ça, puis là, comme il réussit à être big, puis là, il faudrait qu'il donne son argent, tu sais, à un syndicat pour des invités qui viennent et qui sont contents de... En tout cas, c'est que ça me tue. Il pourrait faire $1 million par épisode que cet argent-là est à lui et il devrait le garder. T'sais. Moi, ça me dérange même pas, ces affaires-là. Les gens, ils ont le droit de faire de l'argent avec leurs idées et leurs projets. C'est ça que je fais, moi aussi. C'est pour ça que ça vient me chercher, tu sais. Je veux pas me faire rentrer dedans par un... Hey, je vais avoir des invités, moi, ici, là, tu sais, il faudrait que je leur donne une... Non, ça n'a pas d'allure. Mais moi, je suis petit, je suis rien, là, tu sais. Ça, c'est des très gros podcasts. Mais bref, c'est ça. Que quelqu'un qui a travaillé fort pour monter quelque chose, puis là, il y a comme un syndicat de marde qui arrive, puis qui veut aller chercher une cote, tu sais. Puis c'est important que les artistes se fassent payer, puis se fassent respecter, puis tout ça, mais je sais pas. Je pense que c'est plus... C'est un syndicat très gros, puis moi je me rappelle quand j'étais en pub, puis je faisais de la pub, puis on magasinait les artistes, tu sais, pour faire une pub de Listerine, des capsules web, puis Provigo, puis tout ça, tu sais, puis il y a un méchant budget d'UDA qu'il faut prévoir aussi là-dedans, là, tu sais, ce qui fait que tu prends pas nécessairement un artiste premium, puis là, ça va, vous allez vous dire, bon ben c'est parfait, parce que les autres sont moins chers, puis tu sais, ça permet de les faire connaître, en effet, tu sais, mais... D'un autre côté, chacun fait sa place, et puis si t'es pas capable d'être payé, puis d'en vivre, puis t'as besoin de l'UDA pour te soutenir, c'est peut-être parce que t'es pas un assez bon artiste, t'sais. Des fois, je me pose aussi ces questions-là. C'est pas ça qui manque, les artistes, n'est-ce pas, les humoristes, les comédiens, puis tout. Puis c'est une jungle, là, faire ça, mais bref. Faut aider à ce que ces gens-là puissent s'élever, tu sais, mais en siphonnant ceux-là qui réussissent, hein, en tout cas, ça me gosse. Mais je suis pas 100% contre, tu sais, je comprends, mais il y a de quoi de sneaky, là, tu sais, dans la façon de s'y prendre, puis là, d'un coup, whoop, on arrive avec ça, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver là-dessus, avec ça. Ah. Je suis épuisé. J'étais allé voir Farador hier avec des amis. C'était vraiment très bon pour vrai. Vous avez vu probablement ça, film québécois, Farador, des gens qui jouent à Donjons et Dragons. Et puis ça, c'est parti d'une vidéo YouTube qui s'appelle Tom et ses chums. Et puis, je vous lirai, là, les gars qui ont fait ça à l'origine, c'était pour participer à un genre de concours de court-métrage et tout. Puis c'est devenu viral, là, ce clip-là, quand ils l'ont mis sur... Ben, ce court-métrage-là, quand ils l'ont mis sur YouTube. C'est comme... dites-vous que c'est comme si Bonfight Kevin avait finalement son film, là, tu sais. Les gars, ils ont fait ça il y a super longtemps, puis ils ont travaillé fort pour essayer d'en faire un film de Farador, et puis ils ont finalement réussi à le faire. Et puis moi, ce que je voulais, ce que je craignais, tu sais, c'est que... Est-ce qu'ils vont respecter les trucs d'origine, tu sais? Comment est-ce qu'ils vont comme intégrer ça dans un film? Comment ils vont faire un film de ça, tu sais? Je souhaitais qu'il y ait un ou des liens ou quelque chose, puis bref, je vais rien spoiler, mais inquiétez-vous pas, à ce niveau-là, l'origine a été très respectée, tu sais. Ça, c'est vraiment très cool, j'étais très satisfait. Fait que non, c'était un bon moment, et puis on est allé avec les plus jeunes aussi, nos enfants, j'étais avec des amis, puis des plus jeunes, et puis bon, il y a eu quand même quelques remarques sexuelles, hein. Là, on était comme, oh, foufou, déjà. Ça parle de pinage, comme piner des filles, tu sais. Comme, ouais, mon petit gars, il a jamais entendu ça avant, mais bon. Et puis, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'on est allé au cinéma Beaubien aussi, sur Beaubien, ici, dans le quartier Rosemont. Et puis, on y va à pied avec les amis. Et puis, maintenant, il y a même de la bière, la microbrasserie Grand Bois dans le cinéma, tu sais. Alors, tu peux t'acheter une belle canne de coups de foudre, ou de whatever, des excellents produits d'ailleurs, des Grands Bois, c'est vraiment du bon stock. Donc, mais j'en ai pas pris hier par exemple, je suis vieux, hein, j'ai tout le temps envie de pisser, le café, la bière, c'est ce que ça fait. Alors, je voulais pas que ça me pogne en plein milieu du film, que j'ai obligé de sortir, fait que j'en ai pas pris, mais c'est quand même sympathique d'avoir l'option. Hein. Mais on est allé en prendre après chez les amis. De là, le fait que j'étais un peu poqué aujourd'hui quand même, se nourrir aux chips et à la bière en fin de soirée. Mais ouais, Farador, allez voir ça. J'ai vu aussi Bungalow comme film québécois qui est sorti il n'y a pas si longtemps. C'était bien, ça aussi, vraiment. J'ai mieux aimé Farador, mais c'était bon. Bungalow, vous checkerez ça aussi. J'aime bien les films québécois. J'aime pas les films québécois downer, là, tu sais. Parce que Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, là. Puis ça me tente pas tant là, d'écouter des affaires downer, moi, dans la vie. La vie est déjà assez triste. Ben, c'est pas vrai. Je suis tellement dark. La vie est déjà assez triste de même. C'est de la merde. Mais non, j'ai... Mais c'était cool. Puis moi, j'aime ça aller voir des affaires pas tristes. Justement. Fait que Farador. Excusez les allergies. J'ai travaillé dehors aussi, hein, la poussière. J'ai de la misère avec mes allergies printanières. Fait que c'est ça. Sinon, quoi d'autre dans ma petite liste? Il y a eu un Indie Showcase. J'en ai pas retenu grand-chose, pour être franc. À part Blasphemous 2. Alors ça, c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Blasphemous. C'était... Metroidvania, oui. Souls-like, un peu, parce que super dur à jouer. Quand tu meurs, tu perds ton shit, faut que tu reviennes où est-ce que t'étais pour le reprendre. Et puis, Souls dans la difficulté, mais c'est un action platformer 2D, là. Mais Souls aussi dans la technique, c'est pas du button mashing, c'est comme du timing puis du counter, tu sais. Mais 2D, alors c'est comme Dark Souls, mais 2D, là, j'imagine. Même si j'ai jamais joué à Dark Souls, mais je suis pas mal convaincu que c'est ça. Et puis, mais la thématique, tu sais, église, ecclésiastique, quel beau mot. C'est magnifique, là, tu sais, puis c'est troublant. Moi, le premier, il y avait des comme, oh my god, tu sais, des monstres, des martyrs, des affaires, tu sais, c'est fucké en esti, là. Mais ça marche, et puis le Penitent One avec son épée, son masque, puis tout ça, son casque. C'est tout cool, là, tu sais, j'ai adoré ça. Et puis, le 2 va sortir, donc ils montraient trois armes d'attaque. Une rapide, une plus lente, qui te permettent de faire quelque chose. Donc, ça semble, tu sais, comme à un moment donné, t'as besoin d'aller plus vite pour faire ci, pour faire ça. Donc, ça semble être une genre de mécanique qu'ils ont rajouté. Mais outre ça, le jeu ne semble pas être partir ailleurs complètement. Fait que, très appréciable. J'ai hâte que ça sorte, là, ça s'en vient. Sinon aussi, il y a le jeu de Mickey, là, je parle de jeux qui s'en viennent, comment ça s'appelle, donc? Mickey Switch Game, nouveau Illusion là. Illusion Island, voilà. En précommande chez Retro Montréal d'ailleurs, hein. Disney Illusion Island, comme ça a l'air d'être un genre de Rayman, mais Mickey Mouse, tu sais. Très bien fait, basé un peu sur les nouveaux dessins animés de Mickey qui existent présentement, qui sont très courts, hein. C'est comme des petits épisodes de 10 minutes, 15 minutes. C'est super beau, c'est super bon. J'écoute ça sur Disney avec mon plus jeune, quand il l'écoute, je peux pas m'en empêcher, je check ça. C'est un peu comme Teen Titans, tu sais, c'est tellement bien fait, puis c'est sympathique. Fait que Mickey, puis tout ça, c'est cool aussi. Alors ça s'en vient. Ben excité de ça. On va jouer à ça en co-op et puis ça va être malade. Sinon, j'ai passé énormément de temps à jouer à Cult of the Lamb, que j'ai terminé hier. Et puis Bruno en avait parlé à Retro Nouveau. On a eu les copies physiques chez Retro Montréal et puis je m'en suis pris une. Et puis je me suis dit, ah, pourquoi pas, on va me partir ça tout de suite. Tu sais, les nouveaux jeux que j'acquiers, j'y joue pas nécessairement à l'instant. Mais celui-là, j'avais envie d'un projet, puis je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. J'avais peur que ça soit vraiment... Parce que c'est un jeu de donjon, là, tu sais, top-down, que tu slashes les ennemis, puis tout ça. Et puis, Rogue aussi, ils sont générés... j'ai oublié le terme. En tout cas, ils sont jamais pareils quand tu les recommences, mais les pièces sont pas aux mêmes places, mais, tu sais, c'est la même affaire, là. Fait que c'est tout ce que ça a de Rogue, c'est très light, comme Rogue-ness. Disons, fait que faites-vous-en pas avec le mot rogue pour Cult of the Lamb si vous êtes tanné un peu comme moi de ça, c'est pas un problème du tout. Et puis pour ce qui est de l'aspect gestion, parce qu'il faut que tu te bâtisses un culte, hein, t'es un agneau et puis c'est le culte de l'agneau. Quoi que tu peux changer le nom du culte, alors moi je l'ai changé pour le culte des beaux parce que tout le monde est beau dans mon culte. Et puis c'est ça, donc tu acquiers des adeptes, tu n'en délivres et puis tout ça. Puis là, ben, il faut que tu les nourrisses et il faut que tu leur bâtisses des places pour dormir. Il faut que tu les fasses travailler. Il faut que tu te bâtisses aussi une église. Et puis, dans cette église-là, tu peux faire des sermons. Ça rehausse leur foi. Et puis, tu as une couronne. C'est la couronne, tu sais, diabolique qui te contrôle. Alors, tu peux débarrer des affaires pour la couronne, d'autres sautes et puis des trucs comme ça. Tu as des rituels que tu unlock plein de rituels. Tu peux faire un feu, tout le monde danse autour du feu, et puis tu boostes leur dévotion, ou tu peux te marier autant de fois que tu veux. Mais là, plus que tu te maries avec du monde, tes partenaires sont de plus en plus déçus parce que ils sont pas les seuls, tu sais. Il y a des rituels de sacrifice, tu sacrifies du monde, il y en a que tu envoies au paradis. Des rituels de brainwash, de lavage de cerveau, où est-ce que le monde, comme, il travaille sans arrêt. Ah non, le lavage de cerveau, c'est bien, la dévotion, elle reste barrée, fait qu'elle descend jamais. Parce que quand tu retournes faire des donjons, t'es pas là longtemps, tu sais, comme, là, ça se laisse aller, là, au camp, là, au culte. Fait que tu peux bloquer ça. Tu peux faire un rituel d'argent, tout le monde te donne de l'argent. Tu peux même aussi nommer un taxeur qui va taxer les gens, puis lui te donne l'argent. Ou quand tu peux extorquer aussi, tu peux unlocker un skill d'extorsion. Fait que quand tu parles à tes adeptes, tu peux leur demander de l'argent, tu sais, ben là, c'est très utile. Je leur prenais de l'argent tout le temps, très important. Tu peux ressusciter aussi. Fait que là, c'était le fun parce que tous tes petits bonhommes, tu peux tous les nommer et puis leur changer leur apparence et tout. Fait que là, j'ai fait comme tout le monde. Là. J'ai fait mes enfants, ma blonde, une couple d'amis. Mais là, j'ai arrêté un moment donné parce que là, tu sais, comme il y a un roulement là, de ça, là, ces adeptes-là. Puis ils vieillissent, puis ils finissent par mourir, tu sais. Là, faut que tu t'en occupes aussi. Tu peux pas laisser le cadavre à terre. Faut que tu bâtisses des cryptes, des trous, puis tu gères ça. Fait que, mais là, j'étais romantique. Ma blonde, à chaque fois qu'elle mourait de vieillesse, là, je l'enterrais, puis je la ressuscitais. Puis là, je la remariais, tu sais. Ben, quoi qu'elle restait mariée, en fait, c'est vrai. Je donnais des cadeaux. Puis quand c'est ta blonde, tu peux aussi, quand tu interagis avec, dans ce que tu peux dire. Tu sais, tu peux leur dire, va travailler à telle place, va te coucher, fais ci, fais ça. Mais quand t'as ta femme, tu peux lui donner des câlins, des bisous. Alors, je faisais ça. Puis là, ça boostait sa dévotion. Alors, voilà. J'étais très romantique. Je l'ai ramené tout le temps. Il est encore en vie. Je l'envoyais en mission aussi, à un moment donné, chercher de la viande. C'est comme si je l'envoyais faire l'épicerie. C'est très drôle. C'est très drôle. Il y en a aussi à un moment donné qui se rebellent. Ils se rebellent contre toi, tu sais. Puis là, ils répandent des mensonges, là. Puis ils peuvent quitter, là, tu sais. Fait que tu peux bâtir des prisons, puis t'es mettre dedans, puis t'es laisses là. Fait que comme ça, ils foutent pas à marde. Et puis, j'arrivais jamais à les rendre heureux. T'sais, ils restent evil, t'sais. Même s'ils restent en prison, puis tu peux les discipliner, puis tout ça. Il y a rien qui faisait. Là, je vais vous spoiler quelque chose. À un moment donné, tu unlocks une recette qui fait que quand ils mangent ça, ah, ça, là ils redeviennent heureux d'être là, t'sais. Alors, sacrifiez-les pas trop vite, ceux-là qui sont evil. Tu peux les remettre bons. Et puis, sinon, ceux-là qui sont vieux, moi, je les sacrifiais quand même souvent, là, tu sais, parce qu'il y a des sacrifices. C'est utile d'en sacrifier à certaines places. Donc, pas de problème avec ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah, mais c'est pas tout aussi, hein, parce que, mettons, il faut que tu nourrisses aussi. Il faut que tu bâtisses des fermes. Il faut que tu trouves des graines. Faut que, eux autres, ils chient aussi. Il faut que tu leur bâtisses des toilettes. Et, sinon, ils chient à terre. Puis quand les autres, ils voient ça, ils sont comme, oh, là, ils sont malades, là, ils vomissent. Puis là, si tu laisses ça aller, ça devient un jamboree de merde, puis de pisse, puis de vomi, puis c'est dégueulasse. Tout le monde est malade. Fait que faut pas que tu niaises avec ça. Alors, je ramenais, comme les toilettes se remplissent, tu ramasses tout ça, tu t'en sers comme engrais pour faire pousser des choses. Fait que ça, c'est de la gestion. Faut que tu gères ça aussi. Ou j'ai unlocké du compost aussi à un moment donné. Donc, je prenais de l'herbe que je compostais. Ça se transformait en merde. Puis là, j'utilisais ça pour faire pousser des affaires. T'en as besoin aussi pour construire des choses. Fait que bref, les ressources. Vous savez, moi, j'aime pas les affaires compliquées. Et puis, les ressources comme ça, j'avais peur que ça soit beaucoup, beaucoup de gestion. Ça en est de la gestion, pour vrai. Et puis, tu débordes d'autres affaires sur la map aussi, des gens que tu peux aller voir pour pêcher, pour jouer un petit jeu qui s'appelle Jouer aux osselets. C'est quand même le fun, pour vrai. Un autre qui est une espèce de Midas, là, tu sais. Puis, un peu de tout. Excusez, il y a de l'action. Ma blonde me texte, puis il y a mon plus jeune qui est en haut. Fait que je sais pas s'il va venir me voir. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, tu peux sur la carte aller voir d'autres personnes aussi. Fait que, outre faire les donjons, tu peux faire beaucoup de choses. Tu sais, comme tu peux être sur ton terrain tout le temps à gérer le monde, puis à leur dire quoi faire, puis aller ramasser les graines, puis aller ramasser les légumes, faire à manger, rebâtir ça. Puis ça, il y a tout le temps de quoi faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu peux te perdre là-dedans. Et puis, c'est bien correct, puis c'est super le fun. Mais le but, c'est quand même d'aller faire les donjons. Il y en a 4 donjons qui sont séparés en 4 niveaux. Donc, puis à la fin du 4e niveau de chaque donjon, tu as un boss. Donc, un donjon à 4 niveaux, tu butes le boss et puis tu passes à l'autre. Tu en as 4 comme ça à faire. Puis un coup que c'est tout fait, tu as le boss de fin. Et puis, c'est ça. Et puis là, je vais spoiler une autre affaire, et ce que j'ai trouvé un peu dommage. Donc, quand tu arrives devant le boss de fin, il te donne un choix. Bon, là, si tu choisis une affaire, le jeu s'arrête là. Ça, c'est comme un peu la mauvaise fin. Si tu choisis une autre affaire, ben là, après ça, tu vas devoir affronter le boss de fin. Et puis, quand tu bats le boss de fin, un autre choix t'est donné. Si tu choisis une chose, le jeu s'arrête là. Et si tu choisis une autre chose, ben là, c'est fait. Tu as battu le boss de fin, tu retournes à ta base. Puis là, on te demande de refaire les 4 donjons 4 fois encore. Tu sais, comme les 4 niveaux des 4 donjons, il faut que tu les refasses. Puis ils sont plus durs. Puis un coup que tu as fait ça, là, tu aurais genre l'ultime fin de Cult of the Lamb. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment chiant parce que j'ai déjà mis des tonnes d'heures là-dedans. Tu sais. Puis les donjons, ils sont somme toute pareils, même si un peu plus durs. Tu sais. C'est comme, ben dans le fond, c'est comme il faut que tu refasses le jeu à plus dur pour avoir la vraie fin. Mais c'est une autre façon de te forcer à le faire, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, là, pour être franc. Tu sais, donne-moi la vraie fin, là, ou même un hard mode, ou je sais pas quoi. Là j'arrive là, puis vraiment pas certain que je vais me taper ça une autre fois, là, tu sais. Puis c'est le fun, là, puis je pourrais, là, mais c'est pas, j'ai d'autres jeux à jouer, moi, là. Genre, j'en ai beaucoup, tu sais. Fait que c'est pas... C'est ça. Ça m'a un petit peu déçu. Mais pour vrai, genre, Cult of the Lamb, c'est ça. C'est pas énervant, la gestion. Et puis le Rogue, c'est pas énervant du tout. 2 affaires que j'avais peur. Puis tout est cute, tu sais, c'est sympathique. Le loading sur Switch est un peu beaucoup gossant, là, pour être franc. Là, c'était long. Mais puis ça, ça me tournait off, là, souvent. Maudit Switch qui performe pas. Hein. Si au moins elle performait, là, ça, c'est vraiment son point faible. Pas performante et puis pas d'achievements. Une chance que c'est le fun à collectionner physique parce que, oh là là là là. Je sais pas si je continuerai avec Nintendo. Mais bon. Fait que tout est là, Cult of the Lamb, trippé solide, jouez à ça, c'est ce que je vous dis, résonne en vous. C'était vraiment très très bon. Mais non, sinon j'ai pas. J'essaye des affaires, tu sais. Je digue dans les jeux NES auxquels j'ai jamais joué. Vous avez vu que j'ai fait Fist of the North Star à Rétro Nouveau. Là j'ai essayé Flying Dragon. C'est pas si pire. C'est fucké, mais c'est pas si pire. Mais là, c'est un petit peu redondant, puis il y a des moves que je comprends pas, tu sais, là, ok, faudrait que je lise le livret d'instructions. Mais, tu sais, le jeu est séparé en platforming adventure, si je peux dire, et en tournoi de combat. Puis, bien fait, les tournois là-dedans, mais l'autre section est vraiment plate, là, fait que je sais pas si j'ai... En fait, j'ai arrêté ma game, mais je l'ai essayé. Là, j'essaye une autre cochonnerie qui vaut cher, Chubby Cherub. On va aller voir combien ça vaut, ça, Chubby Cherub, justement. Fait que, ouais, vous voyez, là, je suis dans les strates plus vieilles, là, des plus vieux jeux NES, là, que le monde sont... C'est pas Mega Man pis Ninja Gaiden, là, tu sais. Donc, c'est les vieux jeux weird. Donc, Chubby Cherub vaut, selon Price Charting, 150$ loose. C'est fou, hein, c'est rendu là. Tu sais, des jeux comme Scoon aussi, le jeu de sous-marin, mais ça, c'est vraiment dur, puis c'est un peu plat, mais c'est un jeu fucké. Fait que c'est ça, j'essaye ça. Donc, je sais pas de quoi je vais parler à Rétro Nouveau cette semaine, parce qu'on enregistre mercredi. Bruno a déjà couvert au complet Cult of the Lamb, fait que... Mais j'avais... C'est ça qui est tannant quand un autre fait un jeu, puis là, c'est comme, ah, mais je veux jouer, tu sais. Mais là, si je joue, j'aurais rien à parler à Rétro Nouveau. Mais fallait, là, tu sais. Fait que là, faut que je couvre avec quelque chose. Fait que j'ai commencé une game de Chubby Cherub tantôt sur mon analogue pocket. Fait que je vais voir, je vais donner une go. J'ai aussi essayé Battletoads, juste Battletoads au Game Boy. Et puis on m'avait dit que c'était facile. Finalement, c'est pas si facile. Il y a un segment assez tough. Mais on n'a pas toujours des continus. Fait que je vais checker ça. Ça se peut que je donne une go puis que j'essaie de le finir. Il y a du par cœur, tu sais. Dans les niveaux, donc comme le fameux turbo tunnel, il y a des équivalents, mettons, de ces affaires-là. Fait que je joue à ça. Puis vous avez vu aussi, j'ai acquis, allez voir ma page Facebook, Papa Cassette, il y a beaucoup de choses. Je fais des publications là-dessus, des nouveaux jeux que j'acquiers. Et puis j'ai eu des belles boîtes qu'on a eues dans un très beau lot chez Retro Montréal. La personne qui nous a vendu ça, ce lot-là, d'ailleurs, est en vacances la semaine prochaine, mais va nous revenir après et pourrait encore nous vendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est très excitant, du stock propre, tu sais. Et puis, au début, on s'entendait pas parce que, tu sais, il trouvait qu'on donnait pas assez pour ces gros items. Puis, tu sais, finalement, il m'a téléphoné, puis là, on a discuté, puis moi, j'ai expliqué... T'sais, les gros systèmes, ça m'intéresse pas tant non plus, t'sais, parce que t'es des gros collecteurs de Switch à 300$, ça vend pas, t'sais. Puis je suis pas intéressé, moi, à avoir des jeux à 1000$, des affaires qui valent super cher pour vrai, parce que c'est long à vendre, t'sais. Je préfère avoir 30 Mario Kart que, t'sais, comme des jeux à 2000$, là, vraiment. Je préfère avoir des Wii Remote. Je préfère avoir 200 Wii Remote qu'un jeu à 5000$. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, ça on en roule plus. Ça en prend, là, des belles choses dans le magasin. Mais c'est ça, les gens, c'est ça qui arrive, là. Les gens, ils se disent, c'est un jeu qui vaut cher, fait que je m'attends à avoir beaucoup, tu sais, pour un commerçant. Mais nous autres, ça vend pas, là. Tu sais, techniquement, il faudrait que ça soit l'inverse. Je devrais te donner beaucoup plus pour des Mario Kart, des affaires de même, puis on les vend plus cher que Price Charting, puis on donne plus aussi, anyway. Mais parce qu'on en veut toujours. Mais les gros jeux chers, à quoi vont nous donner du 75% là-dessus, tu sais, puis du 80%? Parce que ça va dormir sur la tablette pendant des semaines et des semaines, tu sais. Puis nous autres, puis on n'est pas les seuls, là, tu sais. Vous demanderez aux autres boutiques, là, je suis sûr, là, que leurs gros jeux, là... Le coin Game Over, là, ils ont pas eu un Magical Chase complet. Ça vaut quoi, ça? 12 000$, genre? C'est long à vendre, là, tu sais. Faut que tu le trouves, l'acheteur, là, tu sais. Bon, ça, c'est tellement pointu que c'est peut-être plus simple à trouver. Mais c'est ça, là, on a un Final Fight. On a deux Final Fight Guys. On a un Hagané. On a ça depuis un bout, là. C'est ça. C'est long à vendre. Puis ça finit que ça part dans nos promos. Où est-ce qu'il y a des rabais, tu sais. Fait que non, c'est pas intéressant pour les commerçants d'avoir des gros jeux ou que des gros jeux puis de payer cher pour des gros jeux. N'oubliez pas ça. Fait que c'est pour ça, des fois, quand il y a des gens qui communiquent avec nous pour voir si on veut racheter leurs affaires ou qui communiquent juste pour un gros jeu, on est tout le temps 100% transparent avec ça. T'es mieux de le vendre toi-même, tu sais. Comme nous, on peut pas te l'acheter à 80% de la valeur, mais si toi, tu l'affiches à 80% de la valeur en tant que particulier, tu vas le vendre tout de suite, c'est sûr, là, tu sais. Fait que nous autres, on a les taxes et tout ça, tu sais. Puis ça rajoute de la valeur. Ça fait plus cher le jeu, donc plus dur à vendre. Mais aussi, on peut pas te l'acheter à 80% parce qu'il y a de la gestion, nous autres, derrière ça. Excusez, ma blonde, elle me texte sans arrêt, hein, n'est-ce pas? Il fallait que je dise que je voulais être tranquille. Voilà. Ah. Fait que, ouais, donc c'est ça, c'est pas évident. Puis j'ai vu un review cette semaine. C'est drôle, on a eu un review 1 étoile sur Retro Montréal de quelqu'un de fâché, puis qui était vraiment raide, tu sais, par rapport au prix qu'on y a donné. Il revenait pas qu'on y dise que 65% c'était quand même trop pour nous, là, tu sais. Puis moi, j'étais pas là, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, tu sais. J'ai pas vu son inventaire, tu sais. Et puis, j'ai regardé son nom, j'ai regardé dans nos listes, tu sais, puis l'évaluation semble pas avoir été faite. Fait que je pense que la personne est arrivée en magasin avec des jeux qui valent très cher. Il disait de 200 à 2000, mais là, hein, ça c'est... Des fois, il y a du monde qui se dit, ça vaut ça 700$, tu sais, puis il regarde genre les affaires affiché sur eBay, il regarde pas les affaires vendues sur eBay, il oublie, puis il inclut le shipping là-dedans, puis il oublie aussi que eBay se prend une cote de 10%, tu sais. Fait que ta minute là, tu sais, ton jeu à 700$, là, il en vaut pas 700$. Fait que si toi tu pars là, puis nous autres on part là, déjà on s'entendra pas là, tu sais. Fait que c'est pas nous qui sont pas généreux, c'est toi qui surévalue et qui évalue mal tes affaires, tu sais. Puis c'est ça, cette personne là était super raide et puis disait que on devait Les gens devraient traiter de malhonnête, tu sais. Alors qu'on dit clairement le pourcentage qu'on est prêt à donner ou qu'on n'est pas prêt à aller au-delà de. Puis il nous traite de malhonnête. Puis il dit qu'on devrait jamais vendre les jeux en bas de 75% de la valeur. Puis qu'il faut les vendre à un particulier. Puis tout ça. Je suis comme d'autres. Certainement. Vends-les tes jeux à des particuliers à 80% de la valeur. Qu'est-ce que tu manques, Chris? Moi, je veux pas tes gros jeux là, à 75%, là, tu sais. Puis. Le rachat, c'est un service qu'on offre en passant. Le monde, ils viennent chez nous, ils repartent avec du cash dans les mains ou un virement dans leur compte de banque, tu sais. On est là sur place, on évalue toute la patente, tu sais. Puis ça peut prendre du temps. Le monde arrive des bacs pleins, des affaires tout sales. Puis, tu sais, comme, il y en a de tous les modèles, là, vraiment, là, tu sais. Puis, au début, en revenant des fêtes, là, hey, on était rendu une banque à Python. Là, on regardait le trade-in en magasin. Tout le monde prenait du cash. C'est un service qu'on rend, là. Pas tout le monde qui donne du cash de même, là. Il y en a qui donnent juste des chèques, tu sais, tout ça. Fait que, attention, là, tu sais, c'est beaucoup de travail. Et puis, on est très honnête là-dedans et tout. Fait que, bref, j'avais en train de préparer toute ma belle réponse. C'était fait, j'allais peser sur le reply. Puis là, boum, c'était plus là, le review était plus là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La personne disait très vulgairement qu'il se faisait rentrer un sapin au plus profond, tu sais, quelque chose de même, dans le sens qu'il se faisait crosser par nous autres. Et puis là, je me demande si c'est pas genre Google qui a auto-détecté que cela était une vulgarité puis qui a effacé automatiquement le review. Genre, ou c'est lui qui s'est comme ravisé, qui s'est dit, oh, c'est un peu raide mon affaire. Puis qu'il l'a enlevé, tu sais, je sais pas du tout. Mais en tout cas, cela est arrivé, puis cela est drôle, puis ma réponse est faite, ma réponse est sauvegardée encore dans le dans mon ordi. Alors s'il revient au galop, ben je vais préparer ma réponse et voilà. Mais c'est ça, tu sais, les mauvais reviews qu'on a chez Retro Montréal, des fois il y a eu des erreurs, il y a eu des affaires qui sont arrivées pour vrai, puis on essaye vraiment de se reprendre, tu sais, puis l'erreur est humaine, nos employés peuvent se tromper, puis on fait tout notre possible, tu sais, mais de nous envoyer chier puis de dire qu'on est malhonnête, tout ça, de donner une étoile parce qu'on donne pas assez. D'autres, on vous donne ce qu'on est prêt à donner, c'est tout, là, tu sais. Si ça convient pas, ben, on n'est pas obligé de les acheter vos affaires, là, tu sais. Je suis pas obligé d'acheter, moi, là, un 30e Kinect Adventure, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Acheter pareil, on en vend pareil. Ah, c'est fascinant, ce monde de cassettes, mesdames et messieurs. Et puis, ouais, j'ai vraiment hâte de vous parler de la suite. Ça va être bien excitant. Bien excitant. Fait que voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça commence à brasser pas mal en haut. Je pense que ma blonde est revenue avec l'épicerie puis les affaires. Fait que je vais. Puis mon petit gars, il est rentré, il est ressorti. Il a toujours pas dîné. Fait que faudrait bien que je fasse une collation ou quelque chose. Il doit pas être loin. Je vais texter les voisins. Donc voilà. Ouais. Donc ma tête est pleine. Et puis difficile pour moi de faire. De pas être fatigué mentalement, mais je vais essayer d'être présent et puis de revenir vous parler de tous les développements à mon show et de jeux et de collections. Alors, merci encore une fois au café. Excusez, je vais juste ressortir le site web et puis de Level Up parce que vous allez au levelup.coffee. Et puis, c'est leur site web et je vais au localisateur de magasin pour vous rappeler qu'il y en a au Arkham Café Co-op dans la belle ville de Québec. Il y en a à la brasserie Malco, toujours dans la belle ville de Québec. Et puis, au Nakama Thé et à la Sauvegarde à Drummondville. Donc, ça, c'est 4 places. Et sinon, vous pouvez commander en ligne anytime ce délicieux café qui, ma foi, a du torque et puis qui est délicieux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, chers amis, et puis à bientôt.